Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Okay, thank you. Yesterday, we already studied Sammasana, okay? Today, we are going to study Udiyabeya Jnana. Okay? It is a higher state, higher level, also yogi. May see various kinds of experience, nimittas, yeah? Hier, nous avons étudié le stade de connaissance vipassana, appelé en pali Sammasana-jnana, le stade de la connaissance par la compréhension. Aujourd'hui, nous allons voir un autre stade, le stade qui suit, appelé en pali Udaya-beya-jnana, la connaissance des apparitions et disparitions. C'est un niveau de connaissance plus élevé que le précédent. Lorsque le méditant en sera arrivé là, il aura toutes sortes d'expériences inhabituelles, comme par exemple des images, des lumières. Tout cela est appelé en pali les nimittas. Plus sa concentration est forte, plus il en aura. Donc, nous allons étudier le stade de connaissance appelé Udaya-beya, les apparitions et disparitions. Vous êtes pour la plupart d'entre vous des méditants expérimentés et vous avez donc déjà passé ce stade de Sammasana-jnana, le stade de la connaissance par la compréhension. Que veut dire compréhension? Le yogi va donc observer attentivement tous les phénomènes physiques et mentaux qui apparaissent constamment à l'intérieur de lui. Il les voit apparaître, exister pendant un certain temps et puis disparaître. On parle alors de ces trois moments, l'apparition, le prolongement ou le fonctionnement et la disparition. Selon les cas, le prolongement peut durer un certain temps. Quoi qu'il en soit, le méditant voit toujours le phénomène qui apparaît, qui existe pendant un certain temps, qui se prolonge et qui disparaît. S'il observe la respiration au niveau des narines, il voit par exemple le moment où l'inspiration apparaît, elle entre dans l'air entre dans le nez. Cette respiration va se prolonger pendant un certain temps à l'intérieur du corps et enfin elle va disparaître dans l'abdomen. Si le méditant pratique la marche attentive, il voit le mouvement d'élévation du pied, c'est l'apparition. Ensuite, l'avancement du pied, c'est le prolongement. Et enfin, le fait de placer le pied sur le sol, c'est la disparition. Il y a donc toujours trois stades, l'apparition, le prolongement et la disparition. Le méditant au stade de Sammasana-jnana observe de cette façon. Et il observe les états d'esprit de la même façon. Il les voit toujours en trois phases. Le yogi, le méditant, va poursuivre sa pratique. Elle va se développer petit à petit et bientôt, il ne verra plus les objets que dans leur moment d'apparition et de disparition. Ceci veut dire qu'arrivé au stade de Udaya-beya, les objets lui apparaissent plus vite. Il les voit plus vite apparaître et disparaître. Sa vision est beaucoup plus claire. Quelle est la différence entre l'expérience à Sammasana-jnana et l'expérience à Udaya-beya? On pourrait comparer cela à quelqu'un qui voudrait se rendre de Damarancy à Bruxelles, par exemple. Il voyage en voiture et cela va lui prendre un certain temps avant d'atteindre l'autoroute. Pendant cette période où il est encore en train de chercher son chemin, il ne pourra pas rouler très vite. Il devra faire beaucoup plus attention. Mais dès qu'il aura atteint l'autoroute, il pourra accélérer son rythme, il pourra rouler plus rapidement et ce sera devenu beaucoup plus facile. Il sera arrivé à Udaya. Donc c'est la même chose lorsqu'on médite. Lorsque on en est encore à Samasana Jnana, le stade de la compréhension, on voit les objets en trois phases. Ils apparaissent, ils durent un instant, ils se prolongent un instant et ils disparaissent. Tous les objets sont vus selon ce rythme-là. Mais le méditant, après un certain temps et automatiquement, sans qu'il le recherche, va arriver à Udayavaya, le stade des apparitions et disparitions, et là, il ne verra plus que deux stades, deux étapes, l'apparition et la disparition. Mais essayez de ne pas rechercher ce stade de Udayavaya. Il va se manifester automatiquement si vous poursuivez votre effort. Le méditant poursuit sa pratique. Il est arrivé à Udayavaya et il le constate. Il constate qu'il voit chaque fois les phénomènes, qu'ils soient physiques ou mentaux, qui apparaissent et disparaissent. Il observe tout cela et investigue en termes de caractéristiques. Il voit que ces phénomènes apparaissent, disparaissent. Il comprend qu'ils sont anicca, impermanents, dukkha et anatta. Il les observe en termes de conditions, il voit que si les conditions sont là, le phénomène apparaît. Si les conditions ne sont plus là, le phénomène disparaît. Il les observe aussi en termes de moments. Il les voit simplement apparaître, disparaître, apparaître, disparaître. Tout ceci est devenu très clair pour lui. Son esprit à ce stade est très ferme et très puissant. Il est possible alors que ce méditant fasse des expériences particulières, des expériences qu'il n'a encore jamais eues dans le passé. Il pourrait par exemple voir des lumières. Au stade précédent, il en voyait déjà, mais ce n'était pas très clair et il ne durait pas longtemps. Mais ici, il est possible que subitement, pendant sa méditation, des lumières apparaissent dans son esprit des lumières qui peuvent parfois être très fortes, comme la lune, la lumière de la lune, la lumière du soleil. Le méditant qui fait ces expériences tout à fait extraordinaires se dit que sa pratique doit être très avancée, qu'il a même atteint l'état de noblesse, qu'il a donc réalisé le chemin et le fruit. Il se surestime ainsi à cause de ces expériences qui sont tellement fortes. Le méditant qui en est arrivé à ce stade va également expérimenter piti, la joie. Dans le stade précédent, il est possible qu'il ait déjà expérimenté un petit peu de piti, mais c'était par moments et elle disparaissait rapidement. Il est possible, par exemple, que le méditant expérimente des sensations agréables de-ci, de-là dans son corps. Mais maintenant qu'il est arrivé à Udayabeya, cette piti, cette joie va devenir beaucoup plus forte et le méditant l'apercevra beaucoup plus clairement. Par exemple, il est possible que pendant la méditation, il ressente sa tête qui commence à bouger. Elle fait des cercles et ceci se produit automatiquement sans qu'il le recherche. Le méditant trouve ça très agréable et il a tendance alors à intensifier ce mouvement. Il se met à le renforcer volontairement parce qu'il s'y est un petit peu attaché. Il commence à aimer avoir ces expériences particulières. Il est possible également que le méditant sente son corps qui devient très léger. Il a l'impression qu'il flotte à la surface du coussin. Il est possible aussi qu'il ait l'impression que son corps s'allonge vers le haut ou au contraire descende et pénètre dans le sol. Tout cela, ce sont des sensations très agréables que le méditant va expérimenter à ce stade. C'est un petit peu comme s'il avait pris de la drogue, de l'ecstasy, et qu'il ressent toutes sortes de choses inhabituelles et très agréables. Donc, dans les années 1970, il y avait beaucoup de jeunes qui recherchaient ce genre de plaisir. On les appelait les hippies et il y en avait beaucoup ici en Occident. Ils avaient 20-25 ans. Ces jeunes, à un moment, se sont dit qu'ils allaient trouver encore plus d'expériences inhabituelles s'ils se rendaient en Asie et notamment en Inde. Ils se sont donc rendus en Inde et là, se sont mis à pratiquer le yoga, une certaine forme de méditation. C'était gratuit et ils ont réussi effectivement à avoir des expériences encore plus extraordinaires. Il s'agissait là toujours de piti, la joie que procure la méditation. Ces jeunes étaient donc très contents, très satisfaits, parce qu'ils pouvaient ainsi avoir des expériences quasiment extatiques et gratuitement. Ils recherchèrent alors des endroits où ils allaient pouvoir en voir encore plus. On leur conseilla alors de se rendre en Birmanie. Mais à l'époque, l'accès à la Birmanie était très difficile et donc ces jeunes se sont plutôt tournés vers la Thaïlande où se pratiquait également Vipassana. Et toujours poussés par ce désir d'avoir encore plus de piti, ils se sont mis à pratiquer la méditation Vipassana. Ils ont fait des expériences tout à fait inhabituelles et certains d'entre eux ont persévéré dans la pratique de Vipassana. Ils se sont mis à pratiquer cette méditation. Ils sont devenus des maîtres de méditation ici en Occident de très grande renommée. On voit donc que piti, la joie que procure la méditation, a une très grande puissance. Piti, la joie, est quelque chose que le méditant va expérimenter à ce stade, mais il va également expérimenter passadhi, le calme, la tranquillité. Il se sent extrêmement paisible. Dans l'Abhidhamma, il est expliqué que la concentration, la forte concentration, amène piti, la joie, sukha, le bonheur, ekagata, la fixité de l'esprit. C'est donc le stade précoce de Udaya Beya. Plus la concentration, le samadhi se renforce, plus le méditant voit tous ces phénomènes se manifester en lui et il les voit très clairement. Le méditant, à ce stade, va donc faire toutes sortes de très bonnes expériences, notamment piti, sukha, ekagata, mais il va également avoir adimokkha, ce qui veut dire la détermination. Il est de plus en plus déterminé à poursuivre sa pratique. C'est un petit peu comme quelqu'un qui se rendrait au restaurant, le repas lui plaît, il est très satisfait et il décide d'y retourner fréquemment. Ce méditant a donc une très forte détermination à ce stade. Ce jnana, sa connaissance, est également très développée. Il atteint petit à petit l'équanimité et cette équanimité, upekkha, va devenir très forte. Tout ceci est tellement positif que le méditant se dit qu'il a certainement atteint nibbana. Il se complaît donc dans toutes ces expériences très positives. Conséquence, il ne progresse plus. Donc, Banté demande à Olivier s'il s'est déjà rendu au sommet de la colline ici, aux sept Muses. Olivier répond que oui. Banté explique que c'est un petit peu comme le méditant qui a fait beaucoup d'efforts pour gravir la montagne et qui finalement est arrivé au sommet. Alors au sommet, il a une très belle vue, il y a là aussi un restaurant, il y a toutes sortes de choses qu'il va pouvoir apprécier et qui sont très agréables. Mais s'il reste là au-dessus et qu'il ne redescend pas vers la Muse, il ne pourra jamais expérimenter directement la douceur de la Muse. C'est un petit peu comme le méditant. Il a fait beaucoup d'efforts pour en arriver à ce stade de Udaya Beya. Il a toutes sortes d'expériences très positives à ce stade. Mais s'il n'abandonne pas ces expériences positives, qu'il ne revient pas à la pure pratique, il ne pourra plus progresser. C'est pour cette raison que ce stade de Udaya-Beya est appelé la phase précoce de Udaya-Beya. C'est pour cette raison que ici à Dammarantsi, les professeurs qui viennent guider des retraites de méditation font toujours attention à ce que leurs élèves ne restent pas coincés dans ce stade. Ils leur demandent toujours, s'ils sont arrivés à ce stade, de ne pas trop s'y attarder, de simplement considérer que ce sont des sous-produits de la pratique et qu'il ne faut pas s'y attacher. Arrivé à Udaya-Beya, on aura énormément d'expériences de ce type et il est fort probable qu'on se trompe et qu'on les prenne pour quelque chose qu'ils ne sont pas. Le professeur demande donc toujours à l'élève, d'une façon ou d'une autre, de ne pas s'attarder à ses expériences, de revenir à la pure et simple observation, soit de la respiration, soit des autres objets, d'observer tous ces phénomènes de façon objective et dans l'instant présent. Parfois, le professeur doit même se fâcher. Le méditant va alors se demander s'il est vraiment arrivé à Nibbana ou bien si ses expériences ne sont pas la vraie voie. S'il a de la discrimination, il va se poser ces questions. Il va comprendre peut-être que ces expériences ne sont pas le but de la pratique, que ce sont des accidents de parcours, mais que la véritable pratique, c'est de revenir à l'observation toute simple des phénomènes physiques et mentaux qui se manifestent à l'intérieur de lui et de les voir selon anicca, dukkha et anatta. Il se dirige ainsi vers la vraie voie, le chemin correct. Grâce à sa discrimination, il n'a plus d'attachement pour les expériences extraordinaires, il revient à la pure observation, il abandonne donc la non-voie et se retrouve sur la voie. Il observe de nouveau les phénomènes physiques et mentaux, il les voit apparaître et disparaître constamment, et comprend expérimentalement qu'ils sont tous anicca, dukkha et anatta. Une question se pose alors, est-il vraiment nécessaire pour un yogi qui pratique Vipassana de se faire guider par un bon professeur? Vous voyez la réponse ici, oui, c'est nécessaire. Il faut la présence d'un bon professeur, d'un bon guide, pour que l'élève reste sur le chemin correct. S'il ne dispose pas de ce bon professeur, de ce guide, il sera dans le doute. Il ne saura pas qu'il se trouve engagé sur la non-voie. Parfois, il arrive aussi que l'élève se surestime. Il pense avoir atteint l'état d'ariya, l'état de noblesse, que ce soit le stade de sotapanna, de sakatagami, d'anagami ou même d'arhat. Et il se trompe. Il est donc nécessaire qu'il ait la présence à côté de lui d'un bon professeur. C'est un petit peu comme dans le domaine de la science. Voyez par vous-même, en physique, en chimie, dans toutes ces matières scientifiques, il faut toujours la présence d'un grand professeur pour aider les élèves, pour guider les élèves. Ce professeur doit être lui-même expérimenté. Si l'élève ne dispose pas de ce bon professeur, il est fort probable qu'il ait des problèmes. Dans la méditation également, il faut que le yogi ait puisse s'appuyer sur l'expérience d'un bon professeur. Tout particulièrement dans la méditation samatha, s'il n'y a pas ce bon professeur, l'élève pourrait avoir des problèmes au niveau psychologique. Il y a des effets secondaires qui pourraient se manifester sans la présence de ce bon professeur. L'élève ne saura pas s'il se trouve sur la voie ou sur la non-voie. Il est en fait éventuellement sur la non-voie, mais il ne le sait pas. OK. For studying, the Buddha's teaching as a theory, for applying this theory in your meditation, practical life. May all of you be well, happy, peaceful, successful, finally attain Nirvana with them. Sadhu, sadhu. Ça.